Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, émission également diffusée à partir de son blog asile35.blogspot.fr qui reprend du service en ce mois de février avec un peu de retard qui a été rattrapé par rapport à la diffusion des émissions du mois de janvier. Et on va continuer comme ça un peu tous les jours prochains, donc toutes les émissions seront disponibles comme les précédentes depuis 2 ans et demi. Un peu plus de 120 à 150 émissions disponibles en podcast et en écoute en stream à partir du blog de l'Asile, asile35.blogspot.fr. Et on attaque avec un label qu'on a pas mal fréquenté ces derniers mois. Il s'agit de Mental Experience, la subdivision du label espagnol, également distributeur Gersen Records, qui s'est spécialisé depuis un bon petit paquet d'années dans les rééditions des années 60-70, entre prog, garage, psychédélisme et folk. C'est notamment le camarade de Stone Circus, Stéphane, qui nous avait pas mal pointé du doigt l'intérêt de ce label espagnol Gersen et de sa subdivision Mental Experience. On vous avait passé ces derniers temps notamment les rééditions du combo britannique Proto New Wave Red Square, le collectif de jazz free et contemporain AK Music, également les Cosmic Corridors qui avaient fait l'objet d'une réédition de leur album long il n'y a pas très longtemps, ainsi que d'une compilation double LP sous le nom Cologne Curiosities entre 1972 et 1976. Donc une subdivision plutôt d'obédience un peu expérimentale, pas mal consacrée à la scène teutonne. Et on va écouter d'ailleurs un groupe d'acid rock de cette même scène totalement méconnu sous le nom de Thiel, T-Y-2-L, et leur disque de 1975, disque éphémère sous le nom de Sexophonie, toute une époque. Un sideband, plus exactement des membres de l'Henspiegel. On y retrouvait notamment le batteur Gunther Klinger. Initialement, ce disque était sorti sur Kerstone Records, qui est un label germanique plutôt spécialisé dans le garage. Une production sortie plutôt en catimini, mais un disque très très bon, totalement en roue libre, avec des titres complètement différents les uns des autres. Je propose d'attaquer avec le titre Team de Till. démarrage dans l'Acide Garage pour l'Asile de Plusieurs de cette semaine, une fois n'est pas coutume, avec tout d'abord un vieux groupe de 1975, un projet éphémère des gens de Eulenspiegel, je ne sais pas si je le prononce correctement, le combo Thiel TY2L et le disque Sexophonie qui était sorti à l'époque donc sur un micro label qui répondait au nom de Kerstone Records, et ça, les gens du label Gersen ont eu la bonne idée de rééditer ça l'an dernier, sorti mi-2016 sur leur étiquette Mental Experience. Puis on a enchaîné avec un projet nettement plus contemporain et le Moon Duo avec un tout nouvel opus qui sort ces jours-ci sous le titre Occult Architecture, publié par le label new-yorkais Sacred Bones Records. Moon Duo qui n'est pas du tout un duo mais plutôt un trio, le projet notamment de John Jeffrey batterie, de Ripley le fameux guitariste de Wooden Chips qui est surtout actif avec ce Moon Duo aux côtés de sa camarade Sanae, donc une sorte de musique un peu post-suicide, un petit peu garage et très très psyché avec beaucoup de fuzz. Et donc le premier volume de cette série qui va en compter deux disques qui devraient sortir en 2017. Alors l'album est plutôt pas mal, je suis toujours un petit peu dubitatif par les productions de Moon Duo, là c'était peut-être le morceau le plus relevé de ce disque, avec un très beau clip d'ailleurs que vous pouvez regarder sur internet. C'est toujours plutôt pas mal Moon Duo, mais Wooden Chips me plaît en général un tantinet davantage. En tout cas c'est plutôt intéressant comme toujours avec ces Américains de Portland. On va continuer avec cette fois-ci l'Angleterre et une formation qui va jouer à Rennes ces jours-ci grâce aux bons soins des camarades de Cafuel. Il s'agit d'un duo qui répond au nom de Circuit Breaker, donc un peu dans le même registre d'ailleurs, on pourrait dire que Moon Duo avec un côté mi-électronique, mi-guitare, mais dans un registre totalement différent. Ça fait aussi penser à du post-suicide, mais avec un côté un petit peu plus cold wave industriel. On les a jamais vus en France, à ma connaissance. Ils font deux dates dans l'Ouest, et c'est les seules dates pour la France. Rennes et aussi Nantes, vendredi, et ce jeudi 9 février, donc au Barrick. Place des Lys à Rennes pour 6€, invité par l'association Cafuel qui fera jouer également l'Effondra dans la même soirée, donc une soirée plutôt riche avec les DJ Cafuel qui refermeront la soirée comme toujours. Et on va écouter une production de Circuit Breaker, leur premier album long qui était sorti en 2015 sous le titre Before the Hit Death. Ils sont sortis uniquement un EP, une cassette et ce disque long, les gens de Circuit Breaker. Et c'était sorti sur l'excellente marque Harbinger Sound de Londres qui sort quantité de choses plutôt dans les musiques noise les plus extrêmes jusqu'à la musique de Sleaford Modes. Et donc ce projet Circuit Breaker avec ce disque CD également vinyle My Descent into Capitol, et on va écouter le titre Tower. Alors c'est généralement assez chanté ce projet des anglais d'ailleurs qui sont deux frangins. Alors je sais pas trop si ce sont des jumeaux, les frères Simpson, Edward et Peter. Voilà, donc clavier électronique et aussi guitare, et apparemment donc ils pratiquent pas mal aussi les instruments customisés faits main, entre de l'électronique à base de circuits préparés par les propres soins de ces deux musiciens, ou des proto-guitares un peu façon Neptune, d'après ce que nous disent les camarades de Cafuel. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et une oreille sur surtout à ce concert jeudi 9 février à 21h16, très exactement au Barrick, pour 6 euros. On écoute ce titre de Circuit Breaker. Le morceau s'intitule Tower. Une séquence pour le moins ravigotante dans l'Asile Obscure qui a démarré avec tout d'abord le duo britannique Circuit Breaker que vous pourrez admirer à Rennes cette semaine au Barrick le jeudi 9 février à 21h16 grâce aux bons soins des camarades de Cafuel. Tout ça pour 6€ avec également les Fondra et les 10 jockeys bien connus de l'écurie Cafuel pour danser jusqu'au bout de la nuit. Donc Circuit Breaker et leur disque sorti il y a de ça un an et demi, ils devraient peut-être sortir quelque chose dans les mois qui viennent, qui sait, sous le titre donc My Descent into Capitol. Très très beau titre d'album, les morceaux le sont tout autant, et donc un groupe totalement inconnu dans nos contrées que je vous conseille fortement d'aller voir en concert. Et c'était enchaîné avec Construct, le combo d'Istanbul le plus connu en tout cas en ce qui nous concerne, à qui on avait déjà consacré une spéciale il y a de ça 2 ans ou même 3 ans peut-être, 2 ans et demi je pense, c'était à la rentrée il y a au moins 2014, hein, quelque chose comme ça. Et donc Construct qui sont très très actifs, ils sortent des disques à peu près tous les 2 à 3 mois, le groupe qui compte en son sein à peu près toujours les mêmes musiciens depuis quelques temps. Il y a eu un petit côté à géométrie variable autour du guitariste électrique, également claviériste, joueur de pas mal de synthés analogiques et aussi de la flûte et autres drum machines. Umut Saklar, on le retrouvait aux côtés du saxophoniste Koran Futachi sur cette excellente production du label milanais Holidays Records qui sort régulièrement leurs disques ces dernières années. Là il s'agit d'une production à la fois vinylique en tirage très limité, 200 et quelques exemplaires, et aussi en CD, qui a été enregistré en Italie à l'occasion d'une tournée où il devait jouer au festival à l'alarme à Berlin. Ils sont passés par l'Italie et ils ont enregistré dans le studio du membre de Squadra Omega, Matt Bordin, qui les a invités dans son Outside Inside studio pour enregistrer ses 4 pièces en live studio. Donc là il s'agissait d'un titre assez différent des 3 autres sous le nom de Alarme, donc comme le titre du festival de jazz free berlinois tendance post-FMP. Et c'est vrai que ça sonnait pas mal comme une genre de rencontre entre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, une sorte de free rock à la new-yorkaise, matinée des groupes un peu free aussi, rock et jazz de Peter Brotzmann, notamment Full Blast par exemple, une sorte de post-Full Blast pour ce Molto Bene, très très beau disque de Construct. Et on a terminé avec une production qu'on vous avait déjà proposée la semaine dernière, il s'agissait du CP Unit, le fameux Chris Psyokos Unit, aux côtés de ses camarades Brandon Seabrock à la guitare et Tim Dahl à la basse électrique. Et le batteur était bien évidemment Wiesel Walter pour cette excellente livraison du label portugais Clean Feed sous le titre Before the Heat Death. Excellent projet donc de ce jeune saxophoniste qui n'a même pas 30 ans et qui promet de nous réserver encore pas mal d'autres choses assez fantastiques, de même que ses camarades de jeu tels que Tim Dahl, le bassiste électrique qui monte aussi des scènes new-yorkaises et qu'on va retrouver d'ailleurs dans une production NNA Tapes le mois prochain. Il va sortir aussi un disque assez attendu aux côtés d'un autre saxophoniste, Matt Nelson, et du batteur Nick Podgurski. Voilà, vous savez tout pour le jazz free à la fois stambouliote et new-yorkais. On va continuer avec toute autre chose, une séquence cette fois-ci nettement plus d'obédience électronique avec la musique de monsieur Simon Fisher Turner, musicien britannique qu'on connaît aussi comme acteur d'ailleurs. Il a fait de la pop et sorti pas mal de 45 tours dans les années 70, puis après il a une carrière lumière, notamment pour la télévision, avec des shows et des films aussi qui ont été assez célèbres du côté de la Tamise. Et à partir de la fin des années 70, début des années 80, il a commencé à s'intéresser très très fortement au domaine sonore, au point de devenir ingé son. Et il a notamment fait partie d'un duo qu'on vous a passé dans l'asile le plus sûr à plusieurs reprises, les deux filles. À l'époque, il se faisait appeler Claudine Cool, aux côtés de son camarade Colin Lloyd Tucker. Tous les deux ont été membres de The et se sont fait, je pense, virer de ce groupe et donc ont une carrière de leur côté. Et notamment pour Claudine Cool, alias Simon Fisher Turner, pas mal de productions pour les films de Derek Jarman, avec des ambiances un peu à la Coil, avec un côté un peu mi-symphonique, mi-musique nouvelle, et puis pas mal de productions aussi sous son nom à partir du milieu des années 80 sur quantité de labels, notamment ce fameux label Mute qui a sorti beaucoup de productions de ce monsieur, ainsi que Lowlands, Optical Sound, Soleil Moon Recordings, une production assez pléthorique. Et là je propose d'écouter sa dernière en date sous le titre de Giraffe, publié par l'excellent label Imego. Il s'agit d'un vinyle sur lequel on retrouve à peu près l'esprit un peu avec lequel on est coutumier d'entendre monsieur Simon Fisher Turner, c'est-à-dire une électronique bucolique un peu évanescente, avec pas mal d'enregistrements du quotidien. Il a enregistré beaucoup de choses sur des mini-disques, également à partir de téléphones portable, et il mixe un peu tout ça avec un brio assez exceptionnel, je dois dire. Et je propose d'écouter deux titres à suivre. J'ai eu du mal à vous les sélectionner, pour tout vous dire. C'est un disque qui s'écoute dans un registre un peu ambiante quand même, et qui s'écoute très très bien chez soi, dans son salon, de manière reposée. Mais je propose un petit aperçu quand même de cette excellente Giraffe de Simon Fisher Turner. Et on démarre avec le titre Trail Mix. C'est parti donc pour la musique de Simon Fisher Turner. Thank you. every road, every turn, every spot. When she looks in a mirror, she sees a million twin sisters, all look the same hair, same dress, same smile. Taste becomes sweet, colors reduce their range. She likes them all. No danger of orders, no sharp edges, no threats. The world is her home, and it's beautiful. She knows every road, every turn, every spot. When she looks in the mirror, she sees a million twin sisters, all of the same. Same hair, same dress, same smile. Taste becomes sweeter, colors reduce their range. She likes them all. No dangerous spots, no sharp edges, and no threats. The world is her home, and it's beautiful. Terminé presque comme une fête foraine, cette triplette de titres enchaînés qui a démarré avec La Girafe de Mr. Simon Fisher-Turner, excellent disque du compositeur et musicien électroacousticien, également concret, qui s'adonne aussi aux musiques nouvelles, avec ce vinyle sorti aux éditions Imego, qui est vraiment très très bon. On a enchaîné avec un duo, cette fois-ci complètement différent, en les personnes de Unikazurne, qui est le propre projet de messieurs Stéphane Strauer, ex-membre de Coil, et David Knight, qui lui joue dans quantité de choses depuis les années 80, donc notamment aux côtés de Carl Blake dans Shocked de Peters, aussi aux côtés de Daniel Dax, donc une sorte de musique un peu électronique par des anciens des musiques un peu cold post-industrielles, Stéphane Strauer faisant aussi partie de Cyclob, et puis de pas mal d'autres choses, notamment le Amal Gamal Ensemble qu'on avait entendu il y a pas mal d'années en arrière pour une perf qui nous avait vraiment beaucoup marqué d'ailleurs, je dois dire, et avec Unikazurne, il pratique acoustique, une musique plutôt électroacoustique, un peu nouvelle, également un peu post-coilienne. Là, il s'agit d'un tout nouvel opus qui vient de sortir fin janvier aux éditions Touch, sous le titre Transpadorem. D'ailleurs, ils ont marqué le coup avec une perf au Café Auto, c'était à la fin du mois de janvier, je crois, avec également Daniel Dax et tous leurs amis. Et on a terminé évidemment avec la voix inimitable de Ruth, la chanteuse de Winter Family, Ruth Rosenthal et Xavier Klein, le couple franco-israélien qui vit un peu partout dans le monde entier, qui est de retour avec un tout nouvel opus qui sort aujourd'hui même, je crois, sous le titre South From Here. Ça sort sur Ici D'ailleurs, comme le précédent qui était en coproduction entre Sub Rosa et Ici D'ailleurs, et également No Fi pour l'Angleterre. Alors, on y retrouve à peu près tout ce qui fait le charme et les ambiances un peu post-gothique de Winter Family, donc des musiques qui ont été enregistrées entre Brooklyn, Kobe au Japon, également le show de fond en Suisse, également du côté de Tel Aviv, avec pas mal de field recordings, des sons glanés un peu partout dans le monde, une sorte de diaspora sonore dont ils ont le secret, et tout ça mixé assez avec brio, et bien évidemment l'harmonium de Xavier et la voix assez cadavérique et assez mystérieuse de Ruth, sorte de musique un peu qui fait parler les ancêtres et les morts. Voilà donc pour Winter Family, une musique qui donne toujours pas mal le frisson avec ce nouvel opus South From Here. Alors ça n'est que leur troisième disque depuis une quinzaine d'années. Ils sont assez peu productifs ces deux-là, ils préfèrent prendre leur temps et aussi faire de la musique et de la création scénique avec des scénographies assez étonnantes, toujours assez engagées politiquement dans les conflits israélo-palestiniens. Voilà, on va continuer avec un monsieur que je vous ai déjà proposé il y a de ça quelques semaines, qui vit au Havre depuis une bonne trentaine ou quarantaine d'années. Il s'agit de Jacques Brodier, qu'on a redécouvert ces dernières années, lui qui a fait toute sa carrière en tant qu'ingé son radio et qui a commencé à bricoler des dispositifs assez étonnants de filtres. Il appelle ça le filtre de réalité, son instrument, sa série d'instruments fabriqués main avec lesquels il filtre les ondes radio, les ondes courtes entre 3 et 30 MHz, tout ça passé par différents filtres analogiques et autres bidouilleries électroniques assez incroyables. Et il est de retour, il y avait eu une première édition de ses œuvres sous ce titre d'ailleurs, le filtre de réalité, il y a de ça 3-4 ans, et vient de sortir à la fin de l'année 2016 une très belle anthologie de pièces entre 2009 et 2016 sous le titre assez mystérieux Xos de Villema. Où c'est sorti sur l'excellent label Penultimate Press, et ça a été d'ailleurs aussi masterisé par Giuseppe Yelasi. Et pour accompagner cette double livraison qui est vraiment assez incroyable, un très très beau livret avec des photos de ces appareillages assez extravagants, ainsi que des peintures assez mystérieuses qui ont un côté un petit peu mi-médiéval, mi-cosmique. Le monsieur doit être assez allumé, je pense. Et donc, pas mal de textes pour illustrer aussi sa musique. Il explique comment il construisit le filtre de réalité pour écouter à travers les nuées de signaux et les grésillements du présent, le bruit du grand large, ses balancements majestueux transposés analogiquement sous la forme d'un paysage sonore, forêts, hautes herbes, vagues se fracassant sur les rochers, etc. cris de naufragés, grêle de particules, matière en fusion, donc une musique d'obédience un peu cosmique, mais on va écouter une course en sac pour démarrer cette série qui va être assez longue de musique électroacoustique un peu innovante, avec deux titres de Jacques Brodier pour démarrer cette séquence de mix électronique électroacoustique. On écoute la course en sac de Jacques Brodier. Thank you. Il est né. Il est français. Il a ses papiers. Il a son identité. Il est né en France. Son identité est de naître. Il est né dans ses papiers. Il est naturellement naturalisé. Il est une femme. Il est un groupe d'hommes et de femmes qui sont nés les uns des autres. Il est franchement né dans son identité. Il s'identifie à sa naissance. Il a été identifié à une femme. Il est identique à lui-même. Il s'identifie à elle-même. Il est naturellement nous-mêmes. Il est né dans la nature. Il est dans la nature de naître. Il est né dans un papier recyclé, 100% naturel. Il est personnellement né en France. On l'a identifié comme une personne. Il a l'identité d'une personne. Il est une femme naturelle. Il est naturellement un groupe d'hommes, de femmes et d'animaux recyclés. Il nous est identique. Il nous a francisés. Il est dans la franchise de naître dans chaque phrase. Il est naturel d'être une Française recyclée. Il est une identité personnelle. Il est personnalisé par son identité. Il est personnifié par la nature. Il est naturel d'être identifié français. Il est né dans un groupe d'hommes, de femmes, d'animaux et de machines. Il est un animal féminisé, 100% recyclé. Il est une personne animale, francisée. Il est né, il est natif, il est naturel. Il est une machine, il est machiné par la nature. Il est une machination 100% naturelle. Il est sanctifié, il est nommé, il est nominalisé. Il est dans ses petits papiers. Il est une machine féminisée, complètement personnalisée. Il est le papier d'une personne. Il est le papier machine, le papier monnaie, le papier mâché. Il est son propre papier. Il est une personne de papier française. Il est une machine identifiée. Il est recyclé, femme, animal, 100% recyclé. Il est personne française. Il est franc. Il est complètement à 100%. Il est complètement identique. Il est une femme en papier mâché. Il est né animal. Il est naturalisé machine. Il est identifié groupe d'hommes et de femmes. Il est une personne. Il est identiquement personne. Il est personnellement français. Il est naturellement personne. Il est identifié personne animal. Il est animalisé machine recyclée. Il est recyclé personne en train de naître. Il est identiquement homme, femme, animal, machine. Il est identifié à une personne. Il s'identifie à une machine. Il a été identifié en train de naître. Il est un train. Il est une femme personnifiée locomotive. Il est natif de personne. Il est né en train de naître. Il est complètement locomotive française. Il est personnellement en train. Il est identifié natif. Il est une personne native recyclée. Il est une personne naturalisée locomotive. Il est complètement né. Il est complètement personne. Personne n'est identifié. Personne n'est identique. We'll be right back. pense que c'est ce qu'on peut appeler un tunnel en radio. Vous êtes toujours, et bien évidemment, dans l'Asile le plus sûr, avec une séquence de titres enchaînés qui a démarré avec deux extraits de cet excellent disque Xos de Villemahou de Jacques Brodier, excellent double LP aux éditions Penultimate Press, enchaîné avec un extrait de Quack, l'excellent duo entre Eddie Boubaker et sa basse électrique et Sébastien Lespinas, le poète sonore, CD produit par monsieur Patrick Muller sur son label Trace Lab plus exactement, avec une très belle pochette cartonnée et des photos des deux gars, et donc un CD sous le titre No No Us, avec pas mal d'expérimentation à la voix et aussi différentes manières de filtrer la basse électrique. Et on a terminé avec un nouvel album aux éditions Najashphone en la personne du projet de Matthew Bauer et Samantha Davis alias Skullflower, et ce LP assez fantabulesque, The Black Iron That Fell From The Sky To Dwell Within, trois petits points, et les trois petits points sont évidemment très importants pour ce projet pour le moins dronesque qui existe depuis la fin des années 80, avec une pléthore d'albums sur quantité de labels ainsi que leurs propres autoproductions, des disques aux éditions VHF, pas mal de labels s'y sont collés pour illustrer la musique de Matthew Bauer et de Skullflower, toujours aussi abrasive. Trois pièces constituent ce disque, là c'est la première qui démarre la façade de cet excellent vinyle aux éditions Najashphone, excellente marque égyptienne qui vient de produire pas moins de trois albums consécutivement. Donc celui-ci, également une nouveauté, un nouvel album de Alvarius B, monsieur Alan Bishop des Sun City Girls, avec des chansons auto-tunées totalement débiles. Ça s'appelle Versus Abdel Baki Barrow in Cairo. Et il y a aussi une autre production qui est nettement plus, on va dire, d'obédience post-industrielle, Cold Wave, avec le projet de Kleist War de monsieur Gary Mundy de Ramley et Broken Flag, avec un autre tunnel de son, cette fois-ci beaucoup plus réverbéré, avec un côté ambiante un peu post-industriel, musique for Sightcast Fighters. Voilà, après rien que ça. Donc on va se quitter avec un dernier titre, le temps de vous rappeler que l'émission est entièrement podcastable, réécoutable, avec toutes les émissions qui vont être bientôt en ligne, celle du mois de janvier, et toujours avec des bonus, les playlists, des liens vidéo, et pour retrouver la plupart des sélections de chaque semaine en herzien. On se quitte avec un excellent projet de Jazz Free, il s'agit de Switchback, qui est la rencontre entre le saxophoniste Mars Williams du NRJ Ensemble, Klaus Kugel qui est à la batterie, et Hilliard Green à la basse, et il y a un clarinettiste polonais dans l'affaire en la personne de Waklo Zimpel, qui est une sorte de post-Eric Dolphy de l'Est de l'Europe. Et tout ça, c'est un projet qui sort des disques sur étiquette polonaise Multiculti Project. Et ils avaient déjà sorti un premier album en 2015 en studio sous le nom tout bonnement de Switched Back, et ils récidivent avec un live in Ukraine cette fois-ci, et c'est avec ce titre et cet album qu'on va se quitter, avec un morceau au nom polonais totalement imprononçable. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine, à bientôt.

We shall overcome knees and elbows or hearts that much refuse to bend down. We shall overcome arms so too much details, too much dust, and I'll lose their sight. We shall overcome light. Running days with nothing good to do, nothing good to eat. We shall overcome big cities and wide streets. We shall overcome far mountains, big rivers, wild ocean, nature for summers and rain. We shall overcome waiting hours for my bed. We shall overcome waste of time. We shall overcome agent. We shall overcome sentence like this with people inside giving you dangerous comfort. We shall overcome false dreams, long, lonely nights of needs. We shall overcome needs and enemies, the broken heart that takes years to recover. We shall overcome love. Deep in my heart, I do believe that one day. In my heart, I do believe one day we shall overcome life, we shall overcome love, love, love, we shall overcome life, love. Love, we shall overcome.